Il est 16h passé de 6 minutes sur le 89.5 de la bande FM. Vous êtes bien sur Radio Duo, sur Saint-Étienne et Périphérie. Vous nous écoutez peut-être au-delà via la toile, les www.radioduo.org. En tout cas, vous êtes à Saint-Étienne, nous sommes à Saint-Étienne. Nous sommes au cœur du Parc Expo, dans ce grand hall d'entrée entre hall A et hall B, où se déroule ce week-end le week-end de la vie associative, autrement dit WEVA, qui est dédié bien sûr à la rentrée associative, sous toutes ses formes, puisque c'est pour les associations l'occasion de se faire connaître, parfois de pouvoir être rejoint par quelques bonnes forces vives, quelques bénévoles motivés, l'envie de loisirs, de clubs, d'engagement pour une cause ou une autre. Bref, c'est le principe de ce forum associatif. Plus de 260 associations représentées ce week-end. Mais Saint-Étienne est riche en matière, en tout cas, d'associations présentes sur le territoire. Alors, on accueille une nouvelle association, justement. Pas besoin de se voir pour bien s'entendre, sont les mots d'ordre de voir ensemble l'association que nous accueillons bien maintenant sur le 895 de Dio. Bonjour à Eliane Lapalu, qui est trésorière de l'association. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Dio. Vous êtes accompagné de Christian Puisson. Christian Puisson, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président de l'association. Oui, hein. Depuis, je l'ai été de 2011 à 2017. Et j'ai repris le groupe en 2023 jusqu'à maintenant. Voilà, donc quelques années déjà d'expérience associative à votre actif. On va présenter Voir Ensemble, qui est une association qui existe depuis quand à Saint-Étienne ? Depuis 1936. Depuis 1936 à Saint-Étienne ? Oui. Ah oui, alors que c'est une association qui est née au début du 20e, enfin un mouvement, issu d'un mouvement en 1927. C'est bien ça, Christian Puisson ? C'est ça. C'est et qui est devenue association ensuite ? En 1947, et d'utilité publique en 1954, et qui a changé de nom en l'an 2000. D'accord. Alors, quel est l'objet de cette association ? Alors, l'objet de cette association, c'est d'accompagner les déficients visuels tout au long de leur parcours de vie, que ce soit dans le domaine du travail scolaire, dans le domaine des loisirs, de la culture, du sport et du travail. D'accord. Une association nationale, donc c'est une organisation vaste. Donc ce sont différents établissements. Nous avons en tout 31 établissements et services compris. On en a 31, oui. 31. Oui, c'est un... Ça va du foyer de vie, ça va au CRT, ça va aux ateliers protégés, et inclusif aussi, qu'on suit, voilà. C'est une grosse organisation, une grosse association, oui. Hein, on peut le dire, puisque envergure nationale, déclinaison locale, une antenne stéphanoise que vous représentez là, mais ce sont vraiment donc des dizaines d'établissements spécialisés et services, comme on vient de le dire. Oui. Et une cinquantaine de groupes sur le plan national. Nous sommes 50 groupes dans différents départements. 50 groupes départementaux. Et des milliers, j'imagine, d'adhérents-adhérentes. 2500 au niveau national. 2500, des centaines de salariés sans doute. Oui. Aussi. Donc c'est vraiment une grosse organisation. Et beaucoup de bénévoles. Et beaucoup de bénévoles. Jamais assez. Jamais assez. Une association qui souhaite être un centre ressource de la déficience sensorielle et plus particulièrement de la déficience visuelle. Oui. Alors comment est-on centre ressource précisément ? Et on va dire, et prenons l'expérience locale et stéphanoise. Ben, un centre ressource, c'est de rassembler les gens, de leur indiquer, en fait, quand ils sortent, par exemple, des visites médicales et qu'ils ne savent pas où s'adresser, oui, ne serait-ce que pour savoir leurs droits, comment aussi obtenir du matériel spécialisé par rapport à leur vue. C'est aussi de les conduire dans les dossiers MDPH et aussi d'essayer de les inclure dans la vie, puisque l'association est basée quand même sur l'inclusion de la personne handicapée visuelle dans, oui, la société. Voilà. Voilà, mais en plus des conseils et des démarches administratives, nous leur proposons bien entendu pas mal d'activités. Alors des activités de loisirs, des activités sportives et culturelles. Nous avons un groupe de théâtre qui monte chaque année des pièces inédites. donc jouée, écrite par deux enseignantes en théâtre, mais jouée sur différentes petites scènes de la ville, au moins une fois par an. Voilà, nous avons aussi un club de sport. Alors, c'est du Shodan. Est-ce qu'on doit vous expliquer ce qu'est le Shodan ? Alors, oui, je veux bien. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Baskin. Je ne sais plus, pour un sport aussi adapté. Là, expliquez-nous peut-être de quoi il s'agit. Le Shodan, c'est un tennis de table pour malvoyants ou non-voyants. D'accord. Alors, c'est un tennis de table qui se joue avec une table spéciale que nous avons ici au Forum de la Ville. Ah, alors tout à l'heure, j'ai parcouru les allées et il me semble que vous le proposez aux voyants, voilà. Justement, à titre expérimental. Nous faisons expérimenter à D'accord. tout le monde. Alors, c'est une table spéciale qui a un rebord pour que la balle puisse rester. La balle est très particulière parce qu'elle est sonore. On joue avec une petite raquette en bois, un gant style gant de hockey, parce que lorsque la balle est lancée et qu'on ne la voit pas arriver, elle peut arriver très vite et faire très mal. Donc on a un gant de hockey. Et pour jouer dans les conditions des non-voyants, on ajoute un masque de ski. Qui permet de masquer la vue, en fait. Qui permet de mettre tout le monde à égalité. Sinon, après, ce sont un peu les règles du tennis de table. Il faut marquer des buts. Au lieu de faire passer la balle par-dessus un filet, elle passe par-dessous un écran qui est fixe en vert. C'est ça. Voilà. Et on doit... Il y a un lieu de passage. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Hein. Il faut faire passer la balle dans cet espace-là. La partie se joue en 11 points. Un but marqué vaut 2 points. On peut avoir des pénalités si on touche l'écran ou si on fait sortir la balle de la table. Et ça développe un sens qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça développe bien sûr la concentration. En général, il faut que ce soit dans un lieu plutôt silencieux. Bon, c'est pas tout à fait le cas ce week-end. Il faut être très concentré pour entendre la balle venir à soi. D'accord. Ça développe l'ouïe. Et en plus, comme vous dites, les yeux bandés, ça permet aux personnes de jouer avec qui que ce soit voyant ou non-voyant. Et oui, c'est du coup de la pratique mixte, quoi. Voyant, non-voyant, malvoyant. En fait. C'est ça. Voilà. Et vous, pardon, mais comment avez-vous appelé la pratique, enfin le sport ? Shodan. Shodan, prononcé. Je suis prof d'anglais, mais prononcé à la française, c'est Shodan. Ah, c'est anglophone. Enfin, c'est Showdown. Showdown, ok. Mais Shodan, prononcé à la française. Oui, oui, d'accord. Non, mais ok. C'est vrai qu'on voit quelques pratiques sportives. Est-ce que c'est le cas pour d'autres activités ? Je pense à ce qu'on a beaucoup vu là, avec notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment, avec beaucoup d'épreuves adaptées et de pratiques, telles que le cécifoot, par exemple. Non. Nous avons un jeu de curling. On propose aussi parfois des activités, des après-midi de curling. Curling, C'est un jeu qui se joue avec des palets qu'on lance. Pardon. Alors, on lance un palet en direction d'une cible, un peu comme les fléchettes. Hein. Les différents cercles de la cible ont différentes valeurs. Et on accumule des points. On joue une équipe rouge contre une équipe bleue. D'accord. Voilà. Ouais. Alors ça, c'était notre activité sportive principalement. Voilà. Et loisirs, vous n'êtes pas dans le sport compétition. Non, c'est pas le sport de haute compétition. C'est pas le handisport. Pas sur notre groupe, non. Alors ça n'existe pas encore. Ça n'est pas encore une discipline olympique, mais nous pouvons faire des tournois entre clubs. Nous proposons aussi des activités culturelles, hein, c'est-à-dire des sorties. Alors sorties. Musée, visite d'exposition, visite de château, parce qu'on a visité un élevage d'alpagas il n'y a pas très longtemps. Oui. Sorties culturelles, sorties gastronomiques qui ont beaucoup de succès. Ça, c'est, en général, c'est un repas tous les deux mois. Nous proposons éventuellement des cours d'anglais, puisque j'étais prof d'anglais, donc j'ai eu des élèves en cours d'anglais. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre, Christian ? La marche avec les guides. Ah, les marches, oui, Avec les guides. Collaboration avec les guides de randonnée. Du Pila. Ouais. On fait des jeux de société. Des jeux de société, des après-midi jeux de société. Alors, nous avons une série de jeux adaptés, hein, qui ont été adaptés par la société AccessiJeux, qui permettent aux non-voyants de pouvoir jouer à des jeux. J'ai vu aussi que vous aviez quelques jeux sur votre stand. J'ai aperçu donc tout à l'heure. D'accord. Aussi beaucoup de rencontres de fraternité. Une fois par mois, le lundi après-midi, les adhérents qui le souhaitent se rencontrent avec l'aumônier qui est attaché à notre association. Association, d'accord. Vous bénéficiez de locaux également ? Oui, nous avons un Vous êtes situé où ? Alors on est situé 4 rue André Malraux. À la maison des associations ? À la maison des associations. Okay. On a un local qui est prêté par la ville de Saint-Étienne, gracieusement par la ville de Saint-Étienne. Mm-hmm. Et on a aussi des prêts de salles de réunion à l'occasion d'une activité. Voilà. Et on a aussi une permanence à Firminy aussi, à la maison des associations aussi. D'accord. Les permanences sont le jeudi après-midi. Oui. De 2h30 à 4h30. La mairie nous fait bénéficier du prêt du gymnase pour la pratique du shodan. Les gens qui le souhaitent peuvent venir voir le mercredi de 4h à 6h au gymnase Puyet. C'est le gymnase qui est situé à côté de la piscine Yves Nem. Pas très loin de chez nous, quartier Mon Plaisir. Mmh. D'accord. Est-ce que vous avez de nombreux membres à Saint-Étienne pour l'antenne locale ? Non, pour l'instant, on est nombreux. On est un peu moins. Le Covid a fait son effet, malheureusement. On a actuellement une quarantaine de membres. De membres ? En fait. Ouais. Oui, d'accord. Il faut signaler que sur l'association nationale, on est quand même 50 groupes locaux qui représentent. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je voulais juste avoir un peu peut-être idée de l'antenne stéphanoise. Est-ce que vous travaillez aussi avec des... ou en partenariat avec des instituts spécialisés, par exemple ? Là, sur Saint-Étienne, pas trop. Non. Nous, on fait surtout partie en fait, des commissions d'accessibilité de la ville de Saint-Étienne, de Saint-Étienne Métropole. Oui. On appartient au comité des usagers du CHU Nord et nous faisons aussi, ce qui est important, des sensibilisations auprès des scolaires, auprès de des infirmiers ou aides-soignants de la Croix-Rouge à Montferret. Et on fait aussi avec le CHU Nord des sensibilisations avec les étudiants aussi. En gros, voilà. Et sinon, on est aussi avec la STAS, on regarde pour les transports, pour l'adaptation des bus, du tram. Par exemple, les synthèses vocales viennent aussi du travail avec l'association. Oui. Alors justement, où on est sur cet aspect-là, peut-être plus militant entre guillemets, étant partie prenante de commission accessibilité au niveau de la ville, de la métropole, du département aussi, comment vous appréciez un peu la situation ? Justement, on parle beaucoup souvent de ces commissions accessibilité, des lois en la matière, mais aussi de ces applications ou manque d'applications. On sait que c'est compliqué. On avait parlé l'année dernière ici d'autres aspects et d'autres handicaps, toujours très concernés aussi par ces questions. Qu'est-ce qu'il en est concernant la non-voyance ou malvoyance ? La déficience visuelle, quand même, il faut reconnaître que depuis 2002, toutes les municipalités successives ont quand même... pris le problème à la racine, ça a bien évolué. Il y a encore beaucoup trop de choses malheureusement à faire. Oui. Mais on peut dire que on est entendu. L'association est quand même entendue. Quand il y a des chantiers, par exemple, qui commencent à être faits, comme bientôt le parc François Mitterrand, on est là pour effectivement aider à l'accessibilité de ce parc, comme d'autres lieux, comme on a fait pour le design d'ailleurs, la cité du design, par exemple, aussi, ou pour les musées de Saint-Étienne. D'accord. C'est-à-dire avec quelles initiatives qui ont été particulièrement mises en place et adaptées en mettant ou des bandes de podotactiles. Par exemple, on va prendre le tram, les arrêts de tram de Château-Creux jusqu'à la gare, avec une synthèse vocale qui indique l'entrée de la gare et qui indique tout ce qui se trouve à l'intérieur de la gare, que ce soit à droite, à gauche, devant, et ainsi de suite. C'est aussi l'audiodescription pour les musées, où écrit en gros caractères ou avec des maquettes tactiles que les personnes puissent repérer où elles se trouvent dans le musée et qu'est-ce qu'elles vont voir. D'accord. Le musée d'art moderne, par exemple, fait aussi des représentations de peinture sur maquette et qu'on puisse qui permet aux gens de toucher un tableau qui pourrait ne pas l'être autrement. Oui. Donc voilà, c'est toutes voilà. Des petites choses qui sont mises en place et qui sont importantes en fait bien sûr. Pour les personnes malvoyantes. Je crois qu'il faut saluer le Musée d'Art Moderne parce que vraiment ils nous contactent chaque fois qu'il y a des expositions et chaque fois qu'il y a de nouveaux tableaux qui sont disponibles pour des visites tactiles. Alors ça, de c'est même la Comédie de Saint-Étienne. Oui. Donc nous avons plus ou moins un partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne et l'Opéra aussi qui organise des spectacles en audiodescription. Plusieurs fois dans l'année. Donc c'est très apprécié. Oui. Alors la adapté... Cinémathèque aussi de Saint-Étienne. Oui. Et puis la bibliothèque sonore, par la exemple. La bibliothèque sonore. Qui existe. Voilà. Oui, aussi. Ouais. Donc des lieux adaptés, accessibles. Tout à l'heure, vous parliez de encore tant de choses à faire. Et là, moi, cela m'amène toujours à, au-delà des lieux. Très ciblé, je dirais, à la vie quasi quotidienne. Hein, c'est aussi important de pouvoir être autonome et pouvoir se déplacer en sécurité, enfin, voilà, pour les personnes en difficulté ou porteuses de handicap. Avec alors, c'est la mobilité, bien sûr. En voilà, distance mais, aussi. Voilà. Alors, c'était là ma question. Évoluer. Voilà, ma question porterait là-dessus. C'est, selon vous, il y a encore beaucoup à faire, vous l'avez dit, mais sur quoi se porteraient les priorités, peut-être, aujourd'hui ce qui pourrait être le plus criant en termes de manquements là, et de points mal adaptés. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est en distance. Le problème, il est que c'est très pris et que, disons qu'on manque cruellement de créneaux horaires. Voilà. Ah oui. Parce qu'il faut trop prévoir à l'avance et selon les places disponibles ou pas, ce qui ne permet pas à la personne déficiente visuelle ou autre d'ailleurs, hein, autre handicap, de pouvoir se déplacer comme il le veut, quand il le veut. Il faut vraiment prévoir, si on a une urgence, et oui. On est coincé. C'est encore mal desservi et c'est trop peu, trop contraignant encore en termes d'horaire et de plage. Élargir le rayon d'action aussi. D'accord, et le rayon aussi, d'accord. Par contre, oui, on se déplace plus dans la Loire, c'est sûr, qu'en distance. Par contre, il y a signalé quand même l'action de la municipalité enfin, de Saint-Étienne depuis des années, c'est les taxis qui, avec des bandes de transport qui nous permettent de circuler 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et là, la réservation est quand même peut-être un quart d'heure avant ou une demi-heure avant. Si elle est un peu avant, mais c'est encore mieux. Mais cela, ça nous permet. Par contre, c'est que c'est très limité à Saint-Étienne, ce qui est normal puisque c'est la municipalité. Mais c'est aussi, je veux dire, un bénéfice pour les personnes qui, là, peuvent se déplacer beaucoup plus aisément dans la ville. D'accord. Je pensais à l'opération Ville en Partage. Est-ce que vous participez à l'opération et est-ce que, dans le cadre de ce programme, hein, qui est un peu mutualisé et collectif, c'est bon nombre de manifestations qui sont référencées par la ville et qui sont proposées, est-ce que l'association en est partie prenante et est-ce qu'il y a, là je projette un peu en termes d'agenda ou d'actualité, des rendez-vous que vous pourriez ici communiquer et annoncer? Alors, depuis 2002 que la Ville Partage existe, on a participé depuis très longtemps à ces activités. Aujourd'hui, on a eu un petit peu un stand-by de 2-3 ans. Là, on a relancé un petit peu, on s'est remis dans le programme et on pense en 2026 à faire des pièces de théâtre et peut-être des actions qu'on mènera comme on faisait en ancien temps avec d'autres associations qui permettent de passer des soirées interassociatives. Voilà, et nous de faire découvrir les associations. Nous sommes toujours présents aussi à Handicap PACAP pour les sensibilisations à la comète. D'accord. Chaque très année, bien. Pour les scolaires. Et je pensais aussi peut-être à des établissements ou services spécialisés. Vous en avez cité de nombreux en France. Oui. Est-ce qu'il y en a à Saint-Étienne? Non, malheureusement. Non. Je pensais à ça et puis je voyais au niveau national l'association. Je voyais qu'il y avait un comité éthique et un conseil scientifique qui avait été créé l'année dernière. Oui. Et qu'un campus avait été inauguré l'année dernière également, le campus Louvre-Braille. Oui. Mais qui est sur Paris. Oui, qui est sur c'est Paris. Ça, hein. Oui, oui. Du nom, bien sûr, de l'inventeur du code tactile du braille, bien entendu. Enfin, c'est une étape importante aussi, quand même, hein, d'avoir un campus comme ça en place existant, dédié à l'accueil, à l'innovation, la recherche, la formation. Que c'est ce qu'on tient aussi, oui, pour innover pour le matériel, innover aussi, savoir dans les conditions optiques, choisir, par exemple, dans nos établissements, au lieu de licencier comme certaines entreprise ou scolaire ou quoi que ce soit, c'est de privilégier, par exemple, de dire ben, on fait du temps partagé des professeurs dans deux établissements, ce qui lui permet de garder son emploi et de savoir ce qu'il y a de mieux pour les élèves, au lieu de penser que financier ou quoi que ce soit, penser au bien-être d'abord de la personne déficiente visuelle dans les établissements. Alors, du coup, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas d'établissements et d'instituts spécialisés. Je me dis que quand on parlait tout à l'heure de manquement, enfin de manque de moyens aussi justement et de structure relais et d'appui, bah c'est quand même une grosse lacune que de ne pas avoir ce type dans de... Dans la Loire, oui, c'est sûr que... Mais après, ça dépend tout et de l'ARS, ça dépend tout... L'Agence régionale de santé. Voilà. Et le problème, il est aussi que ça dépend aussi de la population handicapée visuelle, dans les départements qui sont des fois jugés un peu trop faibles pour créer des établissements, malheureusement, hein, mais voilà. D'accord, et ça c'est des choses que vous travaillez dans ces commissions dont on parlait tout à l'heure, c'est des choses que vous travaillez, que vous revendiquez auprès des collectivités. J'avais un peu oublié ça, oui. On le fait surtout avec le Conseil général de la Loire, dans les bâtiments de la MDPH, on essaye effectivement... Donc la maison départementale du handicap. Oui, on essaye... de penser à ce genre de problème, à des lieux partagés, par exemple pour handicapés ou quoi que ce soit. D'accord. Et pour le faire, ou les maisons, des maisons un peu spécialisées dans la déficience visuelle, par exemple dans les maisons de retraite, quand vous avez une personne déficiente visuelle qui arrive, elle n'a pas spécifiquement le bien-être qu'il faudrait à cette personne pour finir ses jours ou quoi que ce soit. Et ce sera l'adaptation, effectivement, comme de jeux, d'activités ou de choses comme cela. Ce qui m'a permis hier de rencontrer quelqu'un qui travaille dans des EHPAD. On en a pas mal discuté, elle n'est pas contre. Comme elle disait, c'est les financements qu'il faut trouver, voilà. D'accord. Donc ça, c'est à discuter. Toujours le nerf de la guerre, ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Merci beaucoup. On pourrait conclure par reprendre les mots d'ordre et de votre intitulé. Pas besoin de se voir pour bien entendre aussi. Bah non. Ouais. Parce qu'il y a des revendications aussi parfois qui sont mal entendues. On fait beaucoup appel aussi à des bénévoles dans diverses compétences, que ce soit s'ils veulent nous rejoindre, on sera heureux de les accueillir. Donc voilà, que ce soit pour quelques heures ou plus. Oui, ne serait-ce que pour quelques accompagnements, on manque tout cruellement est de bienvenue. Et voilà. Alors simplement pour terminer, info pratique, voir ensemble, on peut vous contacter où, comment ? Alors, notre siège au 4 rue André Malraux, c'est vrai, à Saint-Étienne, salle 10. C'est juste en face de l'accueil, il y a un ascenseur. À côté de la machine à café, c'est facile à trouver. Ça, c'est un bon argument. Ouais. Et puis, sinon, il y a au téléphone, c'est au 06 32 27 68 32. D'accord. Qui est votre contact, Christophe Puissant ? Voilà. Tout à fait. Président de l'association. Voilà. Merci, Éliane Lapalu, trésorière également de l'association. On voit ensemble. Voilà. Merci à vous. Bonne saison à venir. Ben, c'est nous qui vous remercions. Espérons que des bénévoles vous rejoignent. Merci beaucoup. Dans ce besoin que vous avez ici exprimé. Et puis, une bonne fin de journée. On vous remercie bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Et à vos auditeurs.